Mesdames et messieurs, il y a possibilité d'un autre monde. Bienvenue dans votre super revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, vous en êtes ici à l'édition du 25 juillet 2011 et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, mes amis, bienvenue encore ici à cette émission. Cette semaine, nous allons faire le suivi de la situation au Japon, Fukushima, ainsi que les retombées au Canada et aux États-Unis. Ensuite, nous allons aussi aborder le dossier central de la Libye, la guerre des banques internationaux, et relié à cela, les récentes attaques terroristes en Norvège, ainsi que la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, on va essayer de toucher à ça, là. Disons que les événements courants mondiaux se bousculent, là, je vous le dis à toutes les émissions. Et puis, moi, je voulais parler de la Libye cette semaine. Et puis là, on se retrouve avec deux gros dossiers sur les mains. Celui notamment de Rupert Murdoch et puis le scandale là, de News of the World. Et puis, vous savez, évidemment, là, on a tous entendu parler de ces attaques terroristes en Norvège. Alors, encore là, il va falloir faire le travail des médias, hein? Il va falloir faire le travail des médias de masse, parce que ces gens-là sont pas encore capables de vous rapporter exactement tous les faits, toutes les informations disponibles, et puis vous allez comprendre qu'en réalité, là, ça vous empêche de saisir toute la signification de cette histoire, et puis ça n'a rien à voir avec l'Al-Qaïda, je vous le dis tout de suite. On va faire le travail des médias, donc je vais vous apporter là, les nouvelles là, pour que vous puissiez comprendre là, de quoi il en retourne avec cette histoire. C'est encore un autre attaque sous faux pavillon, false flag attack, un peu comme le 9-1, puis les attaques à Madrid et à Londres, et ainsi de suite. Voilà, donc on va parler de ça aussi. Puis, j'avais au programme l'actualité mondiale, Moyen-Orient, puis le dossier de la torture. Donc, on va voir ce qu'on a le temps de couvrir, là. C'est une émission très chargée. Puis, encore là, vous allez comprendre que toutes les choses semblent interconnectées de plus en plus dans tous ces événements mondiaux, bien qu'ils semblent être différents et séparés les uns des autres. Alors, on va essayer de percer à travers la matrice et puis de voir plus clair à travers ce tissu de mensonges qui compose la matrice qui entoure vos yeux et puis votre esprit. Alors, bienvenue à cette émission de la résistance. Ben oui, la résistance, et voilà, c'est ça qui... c'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Nous sommes en pleine guerre en ce moment, et puis c'est le peuple contre les maîtres du monde, les banquiers internationaux privés. et tous leurs pions et puis leurs généraux dans la chaîne de commande. Alors, ben oui, c'est la liberté contre la tyrannie. Et puis, il va falloir faire un choix très bientôt. C'est pas maintenant, c'est pas déjà fait. Et puis, à savoir de quel côté que vous allez être. Alors, allez-vous travailler pour la tyrannie ou vous allez travailler pour la liberté? Alors, qu'est-ce que vous voulez pour vous et pour les générations futures? Donc, le choix nous appartient à tous. Il n'y a plus question maintenant d'attendre le Messie, d'attendre un leader, d'attendre un super-héros qui va venir nous sauver. Il va falloir se sauver soi-même, hein? Donc, il va falloir déjà commencer par changer de paradigme de pensée. Comprendre que nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis dans cette lutte mondiale contre la tyrannie qui est en train de se déployer partout et puis qui réellement là n'en a rien à cirer de la vie. Comme vous l'avez vu d'ailleurs encore en Norvège, 91, 92 enfants qui ont été tués, plus quelques-uns au centre-ville à Oslo. Donc, voyez, on s'en prend des enfants, puis ça a rien de nouveau. On se rappelle les opérations des réseaux secrets en sous-marin, hein, qui était en mission underground et puis qu'on appelait l'opération Gladio. Alors, faites vos recherches si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est bien documenté, c'est même des cas juridiques, là, ça passe en cour et puis tout, là, c'est des trucs là, qui ont été mis à jour, c'est tout documenté, là, c'est de l'histoire. Gladio, les réseaux des services secrets en Europe après la Deuxième Guerre mondiale qui, s'amusaient à faire des attentats terroristes un peu partout, dont en Italie. Et on essayait d'empêcher le fait que le Parti communiste prenne le pouvoir. Alors, on essaie de les démoniser en faisant des attentats terroristes un peu partout en Italie. Et puis après ça, on blâmait ça sur le dos des communistes. Et puis, effectivement, les communistes ont fini par perdre les élections. Sauf que ce réseau-là a été mis à jour alors qu'on avait fait un attentat vraiment dégueulasse, quoi. On avait tout simplement fait sauter un autobus rempli d'écoliers, des jeunes enfants. Et puis, les Italiens avaient tellement été horrifiés qu'à un moment donné, les gens qui participaient à ça n'étaient plus capables d'en prendre. Il y en a qui se sont ouverts la trappe et puis se sont mis à divulguer les informations. Et on s'est aperçu que ça n'avait rien à voir avec les communismes. C'était les réseaux des services secrets, les réseaux qui appelaient Stay Behind. Et puis, ces gens-là faisaient sauter des autobus d'enfants. Hein? Donc, pour scandaliser la population et puis rendre les gens hystériques, et puis après ça, blâmer ça sur les ennemis perçus, mais en réalité qui n'avaient rien à voir dans ces attentats-là. Alors, c'est la même affaire qui s'est passée en Norvège ces derniers jours. Même maudite affaire. Et puis, c'est les mêmes techniques. Et puis, d'ailleurs, c'est une des preuves encore là. C'est des empreintes directes là, qui nous permettent de voir que ce ne sont pas les actes d'un fou. Je veux dire, c'est des trucs qui sont vraiment très bien planifiés, qui sont exécutés selon les règles de l'art militaire et puis même de l'entraînement des réseaux secrets. C'est très, très, très bien exécuté. Et puis, tout est planifié. On sait tout. Et il n'y a rien de laissé au hasard. C'est un peu comme les attentats à Mumbai, vous vous rappelez, là, à Bombay, en Inde, il y a quelques temps d'ailleurs, et puis auxquels on a mis à jour encore là qu'il y avait des gens qui étaient impliqués, dont des gens de la CIA. Donc, les gens de la CIA et le Mossad. Donc, voilà, c'est tout le temps, ça tourne tout le temps autour de ces mêmes histoires-là. Donc, un coup qu'on a réussi à en démonter une, ben, on s'aperçoit que finalement, c'est pas mal la même affaire pour toutes les autres. Donc, on est rendu tellement efficace. On est rendu tellement efficace que vous allez voir, quand on va parler des nouvelles de la Norvège, là, vous allez comprendre. Ben, en fait, on pourrait bien commencer avec ça. Il y avait des nouvelles de l'actualité, je voulais vous parler, là, mais c'est un dossier tellement chaud que maintenant que j'ai déjà commencé, on va y aller avec ça. Écoutez, là, il y a eu, comme je vous disais, une bombe là, qui a explosé au centre-ville, proche des bureaux du premier ministre et des bureaux gouvernementaux. Donc, on a porté atteinte à la vie du premier ministre là, de la Norvège. Et puis, après ça, ben, apparemment, que le malade mental, le meurtrier, s'est déplacé vers un camp d'été en Norvège, qui est un peu plus loin, là, quelques dizaines de kilomètres là, du centre-ville d'Oslo. Et puis, est allé descendre 92 jeunes, comme ça. Hein? Donc, c'est allé s'en prendre à des enfants. C'est vraiment viril. Tu sais, ça prend vraiment des gens, là. Ça prend des grosses couilles en béton, tu sais. Je veux dire, il faut vraiment être courageux. C'est vraiment homme, là. S'en prendre à des enfants, c'est quelque chose, là. Tu réussis à tuer un enfant, tu te dis, waouh, ça a été difficile, tu sais. C'est vraiment tout un exploit. Donc, ces gens-là, vous voyez un peu, là, C'est ce type de malade mental-là qui réellement non seulement crée des bains de sang, mais en plus, je veux dire, ces gens-là, on s'en prend à des jeunes et puis il y a des gens qui sont sans défense. Donc, ça vous montre un peu aussi là, vraiment à quel point c'est des sous-humains. C'est incroyable de voir ça. Anyway, là, ce qui arrive, c'est que tout de suite après que ces attentats ont été perpétrés en Norvège, les grands médias, dont ceux qui sont détenus par l'empire de M. Murdoch, racontent, même vous avez écouté vous avez d'autres médias aussi qui ont commencé à raconter que c'était l'acte d'Al-Qaïda. Alors, tout de suite, on a blâmé ça sur les Arabes, les musulmans, sur l'Al-Qaïda, et puis voilà quoi. Donc, on était parti avec déjà cette ligne de propagande-là dans les journaux. Et puis d'ailleurs, la page première d'un de ces journaux-là qui appartient à l'Empire Murdoch, hein, donc on appelle le Daily Mirror. Alors, on imprime en première page comme ça que, bon, on a eu des attentats, en fait, le 9-1 de la Norvège. Et puis là, en grosses lettres rouges, là, sur la page première, c'était écrit l'Al-Qaïda, le massacre de l'Al-Qaïda. Alors, Peting, tu vois, les grands médias commencent déjà à sortir leur propagande et puis à simplement propulser des informations qui sont sans fondement, qui sont sans preuve, et puis on imprime ça déjà en page première pour frapper l'imaginaire des gens. Donc, on s'est rendu compte, c'est un peu une tactique qui a été employée aussi au 9-1. Dès que le 9-1 est arrivé, zap, vous aviez des gens qui tout d'un coup savaient exactement ce qui s'était passé, alors que ça a pris des années au gouvernement américain et la commission du 9-1 à faire des enquêtes. Mais lui, on a interrogé quelqu'un qui est passé dans les médias alors que les attentats se déroulaient au 9-1, puis lui savait déjà là qu'est-ce qui est arrivé. Oh, c'est dû au fait que la structure s'est écroulée parce que tata, les feux, le gars, il savait déjà tout, t'sais. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on plante dans l'esprit des gens déjà des informations, on dirige, si vous voulez, là, on est en train de former, si vous voulez, leur jugement, leur paradigme de pensée, et alors que les gens sont en choc émotif. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle des opérations psychologiques, et puis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on choque les gens, et puis après ça, on implante des idées, puis un coup qu'elles sont implantées, même si par après, elles se révèlent être fausses, ben on s'aperçoit que dans la majorité de l'esprit des gens, les gens vont rester sur la première impression. Donc, même si on leur explique rationnellement, avec toutes les preuves, que ça n'a rien à voir, que leur première impression était fausse, les gens restent quand même imprimés de façon quasiment permanente là, avec la première image qu'on y a implantée. Alors, c'est ça qui est le but. Donc, les grands médias sortent, écoutez, ça fait même pas quelques heures que les attentats se sont produits depuis zap! Vous avez les grands médias comme l'Empire de Murdoch, qui on va en parler un peu plus loin aussi dans l'émission. On va comprendre à quel point que ces gens-là sont très, très proches et puis couvrent en fait les derrière de la politique israélienne sioniste. Et puis, c'est pas une opinion lancée à la légère comme ça dans les airs. C'est en fait démontrable. C'est en fait démontrable par les faits. Et puis, je veux dire, à un moment donné, il va falloir se rendre compte de la situation. Donc, on poursuit. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on voit déjà le pouvoir des médias alternatifs, comme je disais, de cette communauté de dizaines de millions de personnes qui suivent les nouvelles, puis qui sont extrêmement bien informées, puis qui savent comment les choses fonctionnent à force de fouiller, puis de fouiller, puis de se transmettre les uns les autres les pièces d'information qu'on découvre, et puis on finit par avoir une vue d'ensemble qui est pas mal proche de la réalité. Et ce qui arrive, c'est qu'on a forcé ces grands médias-là. Écoutez, on parle de l'Empire de Murdoch là, qui contrôle au-dessus de 100 médias, magazines, réseaux de télévision, puis tout. C'est un empire international, là. C'est un géant, OK? Et puis là, vous avez les blogueurs, vous avez les médias alternatifs qui, dans les heures qui ont suivi, ont tout de suite démonté, puis surtout que, malheureusement pour ces propagandistes et les vrais organisateurs de ces attentats, on a arrêté le présumé coupable. Alors, Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas arrêté un méchant Palestinien ou un Arabe, un musulman ou quoi que ce soit. On a arrêté un Norvégien. On a arrêté un Norvégien et puis non seulement on a arrêté un Norvégien, mais on en a arrêté un deuxième aussi. D'ailleurs, les nouvelles n'en ont pas beaucoup parlé de ça, mais on a arrêté une deuxième personne reliée à cette histoire. Et puis d'ailleurs, une autre nouvelle ici qui fait état que la police norvégienne a aussi arrêté six autres personnes reliées à ça et que ces gens-là ont déjà été même relâchés. Alors, vous avez jusqu'à huit personnes là, qui sont potentiellement reliées à ce cas-là. Et puis, ben, le meurtrier a utilisé d'ailleurs des balles à fragmentation, ce qui fait en sorte que ça rend toutes les études balistiques impossibles parce qu'on ne peut pas matcher. Alors, ça vient justement dissimuler la présence de plusieurs fusils et aussi probablement de plusieurs tireurs fous. Okay. Alors, vous voyez déjà un peu que la nouvelle, en fait, la version officielle qui est présentée dans les médias commence déjà à diverger de la réalité. Alors, vous avez aussi des témoins qui parlent d'un deuxième tueur sur l'île où 92 jeunes ont été abattus de sang-froid. Alors, ben là, écoutez, vous avez différents. Supposés experts du Moyen-Orient et des trucs comme ça qui commençaient déjà, des experts là, du terrorisme et toutes sortes de trucs comme ça qui a déjà été interviewé dans les médias en disant que ah, oui, l'Al-Qaïda est derrière ça. On a même, la CIA est même sortie avec une nouvelle en disant que vous aviez des gens, un groupe là, d'islamistes qui avaient finalement réclamé responsabilité, en fait, qui avaient réclamé leur responsabilité dans les attentats. Et puis, on est arrivé avec un nom là, complètement abracadabrant qui sort de nulle part, une organisation qui existe probablement même pas ou qui n'a rien à voir avec ça. Alors, vous voyez déjà un peu, là, comme je vous disais, la propagande qui se met en place. Et puis, là, ce qui est arrivé, c'est que, ben, on a arrêté le gars. Donc, le truc de la propagande est complètement tombé à l'eau. On était censé blâmer l'Al-Qaïda et puis des terroristes là, du Moyen-Orient sur ça, et puis ça n'a pas fonctionné. Puis ça, non seulement ça n'a pas fonctionné, mais la personne qu'on a arrêtée, elle, vous allez voir, son background est pas mal à l'opposé de ça. Et puis, je garde ça pour un peu plus loin, mais vous allez voir la surprise, là, si vous n'avez pas déjà trouvé les informations, là, vous allez être assez choqué de voir en réalité l'orientation et puis qui se trouve derrière ces attaques. Okay? Alors, ça n'a rien à voir avec des djihadistes ou quoi que ce soit. Donc là, écoutez, on va continuer avec cette histoire-là. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on se retrouve avec des grands médias qui se creusent un trou de plus en plus profond. Parce que là, on publie des fausses nouvelles et puis là, on est obligé de retirer la page. On est obligé de changer la page là, dans la page première de c'est les médias de News Corp. Et puis, ça commence à faire dur pas mal. Vous voyez vraiment la crédibilité de ces médias-là. C'est pour ça que les gens non plus, d'ailleurs, ne les écoutent plus. Et puis, vous avez des nouvelles qui ont par rapport à ça aussi. Vous allez voir là, dans les médias de l'actualité, là, écoutez, à un moment donné, là, si vous dites là, vraiment ce qui se passe dans les médias, vous n'allez pas durer là bien longtemps. Vous avez un gars, là, comment il s'appelle lui, 5 Uger, qui avait une émission sur l'Internet qui fonctionnait très, très bien. Le gars, il est vraiment excellent pour faire les nouvelles. Et puis, ben écoutez, on l'a tout simplement. On est en train de le tasser de MSNBC. On lui avait donné un poste, là. Et puis, ben lui, écoute, il attaque le système de front. Quand tu commences à attaquer le système de front, tu commences à attaquer les piliers. Hein? Là, à ce moment-là, tu deviens un ennemi, là. Et puis, là, tu te fais tasser. Et puis, le gars, ben, il y avait des taux, en fait, de gens qui écoutaient son émission qui étaient en hausse constante, sauf qu'il interrogeait Washington et puis les figures principales de la scène politique et puis de ceux qui tirent les ficelles du pouvoir de façon trop agressive. Et puis, il ne faut pas trop challenger l'establishment politique. T'sais, c'est, à un moment donné, il faut que tu fermes la gueule. T'sais, tu peux brasser le bateau un peu si tu veux, mais tu peux pas arriver là puis commencer à y aller de front comme ça puis à vraiment nommer l'ennemi par son nom. Donc, voilà, vous avez différentes nouvelles par rapport à ça. C'est une petite parenthèse que je fais là. D'ailleurs, vous avez la BBC qui avait reçu aussi un prix assez prestigieux et puis qui va être obligée de le remettre parce ils ont utilisé des fausses images d'un camp d'enfants de travail. Et puis ça, c'était dans un genre de documentaire qu'ils avaient fait en Inde. Et puis ils utilisent des fausses images et puis après ça, ils vous passent ça pour la réalité. Vous avez d'ailleurs le Pentagone aussi, lui, qui cherche à manipuler les réseaux sociaux et puis les médias alternatifs pour des buts de propagande. Alors, vous avez aussi les nouvelles par rapport à ça. Vous avez toutes sortes de liens là, aussi à les consulter, là, ces différents programmes là, qui sont développés par le département de défense. D'ailleurs, on a un bras technologique assez extrême qui s'appelle le DARPA. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches par rapport à ça. Faites une petite recherche si ça vous dit. C'est DARPA. Alors, ils ont eux autres là, ce qu'ils appellent un programme là, qui s'appelle Social Media and Strategic Communication. Alors, c'est une façon d'essayer d'avoir plus, si vous voulez, de pouvoir sur les médias sociaux parce qu'ils s'aperçoivent que c'est là que, à un moment donné, les gens ils commencent à s'éduquer eux autres même, puis à s'informer, puis à comprendre vraiment c'est quoi la game. Puis c'est pas très très bon pour eux autres, hein? Donc, eux autres, ils veulent conduire des campagnes de propagande sur les médias sociaux. Et bien évidemment que le programme a besoin, il est mis en place pour aider les militaires, en fait, la branche militaire aux États-Unis, à comprendre ce qui se passe en réalité, en temps réel, dans les médias sociaux. Et particulièrement dans les régions où les troupes sont déployées. Puis DARPA aussi veut son programme, il veut que son programme sert à aider les militaires à jouer si vous voulez, une game de propagande avec les médias sociaux. Alors, vous allez voir ça, là, tout est disponible, là, vous allez voir les nouvelles officielles. Alors, sont en train de mettre des équipes, là, je l'avais déjà déclaré la semaine passée, là, écoutez, j'avais rapporté les nouvelles. Le Pentagone a déclaré ouvertement qu'il considérait mettant l'Internet comme un champ de bataille. Alors là, vous avez des opérations militaires américaines sur l'Internet. C'est ça que ça veut dire, là. C'est ça, c'est un autre exemple de la façon que justement le bras militaire américain devient de plus en plus intéressé dans ce qui se passe dans la sphère des médias sociaux. Et puis, d'autres nouvelles comme ça, c'est même publié ici par AFP. C'est un ancien espion qui dit que des officiels américains sont, en fait, ont attaqué ouvertement là, sur la scène publique les critiques de l'Irak. Alors, c'est des officiels dans l'administration de George W. Bush qui avaient essayé d'utiliser la CIA pour déterrer de l'information sur l'Irak et puis sur les critiques en fait contre cette guerre en Irak pour les discréditer. Et puis ça a été rapporté d'ailleurs aussi par le New York Times aux États-Unis. Alors ça vous dit aussi à quel point là que justement vous êtes considéré comme l'ennemi si vous êtes actif sur l'Internet. Vous avez Glenn Carl qui a d'ailleurs servi comme un officiel là, au top là, de la chaîne de la CIA dans le contre-terrorisme et qui a déclaré aux Times que les officiels ont essayé à deux reprises d'ailleurs d'enquêter sur Ron Cole, qui est un professeur et puis qui est un blogueur aussi qui est très lu aux États-Unis. Cole, qui est un expert du Moyen-Orient et puis qui est un professeur en histoire à l'Université du Michigan, était un critique très strident de l'administration Bush et puis de la guerre en Irak et a écrit beaucoup d'ailleurs sur son blog qui s'appelle The Informed Comment. Alors voilà, donc on a carrément attaqué des blogueurs comme ça. Et puis ça vient des plus hauts niveaux là, du gouvernement et de la CIA. Israël aussi est impliqué là-dedans. Vous avez Israël ici, c'est une autre nouvelle qu'on apprend qu'ils ont engagé des soldats de l'Internet pour pénétrer des forums américains, puis des chat rooms, alors des chambres de discussion, si vous voulez, sur l'Internet. Et puis, ben écoutez, ça aussi, là, ça a été déclaré ouvertement là, et puis publié. Donc, vous avez des étudiants israéliens qui ont été démobilisés, des soldats aussi qui ont été démobilisés, qui sont payés et puis pour prétendre qu'ils sont des gens normaux et s'en vont sur des forums comme ça sur Internet et laissent des commentaires pro-Israël. Vous avez d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ellen Sturman, alors le député des Affaires étrangères israélienne, qui a une situation comme ça, qui dit justement que, bon, on a un département En fait, il est du département du Hasbara, du ministère des Affaires étrangères israéliennes, et puis que ils vont dire, il a déclaré que justement, ils ne seront pas nécessaires pour eux autres de s'identifier comme étant des Israéliens, et puis ils vont utiliser justement des gens qui vont surfer sur le net et puis qui vont prétendre d'être des citoyens et d'écrire des réponses qui vont avoir l'air personnelles et puis basées sur une liste préparée de messages. En fait, ils vont avoir déjà des messages préfabriqués et puis que le ministre des Affaires étrangères va avoir développé. Alors, c'est vraiment là dans votre visage. Et puis, vous avez une petite ville aussi en Arkansas qui veut bannir, elle, la liberté d'expression. Et puis, ils ont déclaré qu'aucun groupe ne va être capable de se rencontrer publiquement sans avoir la permission de la ville. Alors, imaginez, c'est là, c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, voilà, petite parenthèse que je termine et puis je reviens à mon histoire de la Norvège. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, justement, les médias sont vraiment. C'est vraiment de la grosse bullshit. Puis excusez-moi pour le mot, là, mais je veux dire, c'est vraiment de la grosse, grosse, grosse bullshit, là. Ils vous mentent en pleine face. En fait, vous avez le test de vérité. Si vous voulez vraiment savoir si un média est fiable ou pas, le test de la vérité, c'est savoir. Vous prenez en fait la question de savoir si ces médias-là vous ont menti en vous disant que Saddam Hussein possédait des armes nucléaires, des armes de destruction massive. Et puis, ces gens-là, si vous lisez un média qui a déjà déclaré ça dans le passé, et qui finalement ont vendu la guerre en Irak, une agression complètement illégale, immorale d'un pays. Et puis, à ce moment-là, vous avez en face de vous un média que vous ne pouvez pas faire confiance. Alors, évidemment, les blogueurs avaient déjà informé de ça. Il y a des années, en fait, aussitôt que 2002-2003, qu'en fait, Saddam Hussein, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il n'y avait plus d'armes de destruction massive, encore moins d'armes nucléaires. Et puis les médias, ben, ils vous ont menti par rapport à ça. Donc, je veux dire, si on est capable de vous mentir par rapport à ça, partir une guerre et puis, écoutez, là, décimer des centaines de milliers, c'est pas, selon les chiffres, là, 1,4 million d'Irakiens qui ont perdu la vie de façon inutile, reliée à la violence, là, qui est due à cette agression de l'Irak, agression militaire depuis 2003 et occupation militaire depuis. Ben écoutez, on va vous mentir à propos de des affaires comme des attentats terroristes en Norvège. Vous me suivez là. Donc c'est un détour, mais c'est pour encore là vous expliquer à quel point, je veux dire, ces médias-là sont là pour façonner la pensée, façonner la perception. Façonner la perception des événements de la réalité, puis de vous mettre en tête ce qu'ils veulent que vous pensez. Alors, les informations, ben, sont disséminées comme ça dans les médias corporatifs, et puis pour façonner ce que vous pensez, et puis vous diriger, et puis vous envoyer dans des fausses directions qui vont servir leur intérêt. Alors, évidemment qu'il faut questionner les choses un peu plus, il faut questionner la réalité perçue et puis surtout celle qu'on essaye de vous faire croire dans ces grands médias. Et puis, vous allez comprendre effectivement avec ce cas ici de la Norvège, et puis après ça, on va continuer avec le cas de Rupert Murdoch avec ces médias. Vous allez comprendre aussi là, à quel point que ces médias-là sont complètement biaisés et sont rendus des organes de propagande totale, soit pour faire de la désinformation, soit pour façonner votre perception de la réalité. Et c'est vraiment le but. Alors, il faut savoir à quel agenda les attentats terroristes en Norvège répondent, quel agenda servent-ils. Et puis, vous allez comprendre que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Al-Qaïda, ni les musulmans, ni les arabes, ni les islamistes ou quoi que ce soit. En fait, la Norvège est pas mal proche. Beaucoup plus proche, infiniment plus proche de la Palestine et puis des intérêts arabes que de ceux d'Israéliens dont la Norvège a été très, très critique ces derniers temps, ces derniers mois. Et puis, je vais vous dresser une liste un peu plus loin, là, justement à quel point la Norvège est en fait, vous savez, la Norvège était sur le point d'annoncer officiellement qu'il était pour être la première nation européenne à supporter la demande de la création de l'État palestinien en septembre. La Palestine, vous savez, va demander officiellement aux Nations unies d'être reconnue comme un État. Et puis, vous avez plusieurs États dans le monde, plusieurs nations qui ont annoncé leur support, leur soutien aux Palestiniens dans cette quête. Et puis, la Norvège en était une de ces nations qui était très vocale et puis qui, d'ailleurs, avait tenu à plusieurs reprises différentes manifestations. Soit je parle des gens, les Norvégiens, pas nécessairement juste l'État aussi, mais c'est vraiment à tous les niveaux. C'est autant la population que aussi le gouvernement et puis différents médias. Qui sont très, très critiques d'Israël, soit des attaques qu'il y a eu contre la flottille de la Liberté cette année ou celle de l'année passée où on avait tout simplement abattu à bout portant plusieurs personnes, en fait 9, dont un citoyen américain. Et bon, différentes affaires aussi. Donc, écoutez, là, est-ce que vous pensez que l'Al-Qaïda va aller frapper la Norvège parce que la Norvège, en réalité, supporte la création de l'État palestinien? Je pense pas. Ça n'a pas vraiment de sens. OK? Et puis là, vous allez voir où ce que je m'en vais avec toutes ces informations-là. Alors, on apprend que le tireur est un homme local. Alors, ce n'est pas un musulman. Les grands médias sont obligés de se raviser. On change la version. On apprend maintenant qu'il y a plus d'un responsable. C'est évident. Pourquoi? Parce que ces attaques-là ont été exécutées d'une façon militaire, je veux dire très précise, avec de l'équipement que c'est pas n'importe qui sur le coin de la rue là qui peut faire de tels attentats, avoir l'information, savoir où est le premier ministre, à quel moment, et puis après ça, se rentre dans un camp d'été et puis là on se pose tous la question, mais pourquoi un camp d'été puis aller abattre des enfants sans défense? Eh bien là, vous allez apprendre que la journée d'avant, la journée précédente cet attentat, eh bien les jeunes qui étaient présents au camp d'été, qui étaient d'ailleurs reliés au parti travailliste, qui est le parti qui est au pouvoir en ce moment en Norvège, critiquaient justement les territoires occupés par Israël, dans lesquels, bon, il y a des différentes compagnies qui s'installent et puis qui fabriquent des produits, donc en territoire occupé palestinien, par l'armée israélienne et puis par des colons juifs israéliens. Et puis, ben, on a des campagnes de boycott. Et puis, ben là, à ce moment-là, on avait tous ces jeunes-là qui étaient à ce camp-là, qui étaient reliés, si vous voulez, aux partis politiques travaillistes. Alors, c'était des jeunes qui, vous savez, en Norvège, les jeunes sont très informés, puis ont des opinions politiques, même très jeunes, et puis se rendent compte de la réalité aussi. Puis, écoute, à un moment donné, ils se disent, faut mettre des pressions sur Israël, ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, fait que ces gens-là, vous savez, sont quand même pacifiques, là. C'est pas des gens qui disent, ah, il faut attaquer Israël, larguer des bombes. Non, non, non. On dit tout simplement, on fait des pressions économiques. On fait des campagnes de boycott jusqu'à temps qu'à un moment donné, les gens retrouvent leur sens et puis qu'on arrête de voler des territoires palestiniens. Et puis après ça, ils produisent des produits que nous, on achète dans nos pays. Donc, ce que je trouve, et puis ce que plusieurs trouvent aussi, est totalement légitime. Ça n'a rien à voir avec être anti-juif ou antisémite ou quoi que ce soit. Des campagnes de boycott, il y en a eu tout le temps, même contre toutes sortes de nations et de situations. Et puis, justement, c'est des trucs qu'on fait, là. Vous savez, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Même avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, on parlait un peu là, du fascisme économique la semaine passée. D'ailleurs, je vais essayer d'y revenir cette semaine. Il y a un article déclaré qui était en fait imprimé dans le Daily Express dans le temps et qui cite en page première que la Judée déclare la guerre à l'Allemagne. Alors, on avait organisé un boycott international contre tous les produits allemands. Et puis, ça a été organisé par différentes organisations juives. Alors, vous avez un boycott international sur les biens allemands. Alors, pour eux autres, ça, c'était correct. Il n'y avait aucun problème avec ça. Par contre, quand c'est d'autres nations qui font des boycotts contre Israël, eh bien là, oups, là, tout d'un coup, là, ça devient de l'antisémitisme, du racisme, de la haine, et puis à peu près tout, on dit finalement, vous n'êtes pas balancé, vous n'êtes pas capable, vous êtes biaisé, whatever, nanana. Donc, on sort tous les arguments. Donc, c'est vraiment comique de voir les deux poids, deux mesures qui sont présents partout. Et puis, dans ce cas-ci, la journée d'avant, la tuerie des enfants, ces enfants-là avaient tenu justement une grosse bannière. On voit boycotter les produits israéliens jusqu'à temps qu'ils se retirent des territoires, nanana. Et puis, le premier ministre était pour les visiter. Et puis, tout d'un coup, zap, la journée d'après, cette foule-là arrive dans le camp et puis descend, habillé. Le gars, il arrive habillé en habit de policier. Okay? Donc, voyez là, à quel point là, c'est vraiment organisé. Ça prend 90 minutes aux policiers pour se rendre sur l'île. Alors, le gars, pendant 90 minutes, il se promène et puis il descend des enfants. Et puis, écoutez, chers amis, là, on apprend que ces gens-là étaient contre un boycott en Israël. Alors, pensez-vous que l'Al-Qaïda irait attaquer ces enfants-là? Pensez-vous que quelqu'un qui soit relié à l'Al-Qaïda irait sur cette île et puis tuer des enfants qui sont en train d'appeler pour un boycott contre les produits israéliens? Est-ce que ça a du sens? Déjà là, ça n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas? Donc là, allez voir ça. Vous avez différentes nouvelles. Vous avez le journal The Sun de Rupert Murdoch encore qui a effacé carrément son reportage comme quoi la police avait arrêté un deuxième suspect. Alors, un deuxième suspect qui a été arrêté à un hôtel à Sundvolden et qui a été arrêté là. Et puis, c'était un autre Norvégien. Et puis là, vous avez tout simplement le Sun qui a effacé toute mention d'un second suspect. Ça a été complètement effacé de l'article. Alors, vous avez ici, heureusement, quelqu'un qui a été assez rapide pour faire une copie de la version originale de cet article du Sun, reportant l'arrestation de ce deuxième suspect. Alors, vous allez trouver ça. Et puis, vous devez comprendre que le Sun est détenu par Rupert Murdoch. Ah, regardons ça. Regardons, c'est spécial, ce gars-là qui. Quand je vous disais que les nouvelles étaient interconnectées, là, ça devient de plus en plus évident. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là, écoutez, vous avez la police qui arrive sur l'île 90 minutes après. On arrête le suspect. Et puis là, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec des musulmans ou quoi que ce soit, ou l'Al-Qaïda. Et puis, curieusement, le premier ministre de la Norvège fait une annonce publique, il fait une conférence de presse, évidemment, suite à ces événements-là. Et puis, ce qu'il déclare dans sa première élocution publique suite aux attentats est très, très, très révélatrice aussi. Parce que au lieu de dire qu'ils sont des victimes, de dire que nous avons été victimes d'attaques terroristes islamiques ou quoi que ce soit. Le premier ministre de la Norvège déclare que personne ne va réussir à les réduire au silence en faisant exploser des bombes. Il dit que personne ne va nous réduire au silence en nous tirant dessus. Il dit que personne ne va changer et va nous épeurer, nous faire craindre de ne pas être ce que nous sommes en Norvège. Ça, c'est le Premier ministre Stoltenberg qui a déclaré ça. Alors, il n'a pas déclaré que nous sommes victimes d'une attaque ou quoi que ce soit. Il déclare à plusieurs reprises, très clairement, que ceux qui sont responsables de ces attaques-là sont en train d'essayer de réduire la Norvège au silence. Et puis ça, c'est un élément très, très, très important à vous rappeler au fur et à mesure qu'on va continuer à décortiquer ce cas de la Norvège. De réduire la Norvège au silence. Alors, on continue avec ce dossier-là. Gardez ça à l'esprit. Et puis, après ça, on va regarder maintenant qu'est-ce que la Norvège aurait bien pu faire pour faire frustrer Israël comme ça. Et puis vous allez comprendre qu'au fur et à mesure qu'on va y aller avec ce dossier-là, qu'il y a de nombreuses choses qui ont vraiment enragé les sionistes d'Israël. Je ne parle pas de tous les Juifs, là. Je veux dire, vous avez des Juifs aussi qui ont manifesté contre leur propre gouvernement, et puis des Israéliens vous savez, qui sont avec nous là, dans cette quête de la vérité, puis contre la tyrannie, la brutalité, la violence, OK? Mais ça, quand vous avez des Juifs ou des Israéliens ou des Américains juifs ou quoi que ce soit qui critiquent ouvertement le régime sioniste qui est au pouvoir, qui contrôle le pouvoir d'Israël, ben, on les appelle en anglais des self-hating Jews, des Juifs qui se haïssent eux-mêmes. Alors, ces gens-là sont jamais à court, vous savez, de genre de mots comme ça pour essayer de discréditer peu importe qui parle. Même, ils vont jusqu'à attaquer leurs propres juifs, leurs propres citoyens, en disant que c'est des gens qui se haïssent eux-mêmes. Tu sais, à un moment donné, vous comprenez que il y a des gens, tu sais, en tout cas, je pense que ça se passe de commentaires, là, vous comprenez où je vais en venir. Dans les années précédentes, vous avez la Norvège, le Parti travailliste et puis le mouvement de la jeunesse, qui d'ailleurs était au camp d'été, qui avait demandé dans le temps à Ariel Sharon et puis les autres leaders israéliens d'être mis en cour internationale, d'être traînés en cour internationale pour les crimes qu'ils ont commis. On parle ici de destruction occasionnelle de cibles civiles et puis d'exécution illégale de civils. Et vous avez des pétitions qui ont été mises, qui ont été présentées à la Cour. Et puis vous avez d'ailleurs l'ancien premier ministre norvégien Jens Stoltenberg qui avait d'ailleurs attaqué ouvertement Israël par rapport à ces actes qu'ils avaient commis. Alors, vous avez différentes choses que qu'Israël est responsable. Et puis, ben là, écoutez, cette personne qui s'est rendue dans ce camp d'été, ben vous avez un exposé ici sur qui elle est. Qui est ce malade mental? Eh bien, vous allez être extrêmement surpris d'apprendre. Et puis, son nom, ben on va maintenant le nommer. C'est Anders Behring Breivik, qui est né le 13 février 1979. Et puis ce gars-là, ben, on a appris premièrement qu'il était complètement dévoué à Israël et la civilisation judéo-chrétienne. Un gars de l'extrême droite et puis ultra-sioniste, franc-maçon. Wow! Est-ce que vous avez entendu parler de ça dans les médias? J'imagine pas trop. Vous savez, même ce gars-là, il s'en habille. Vous avez une photo de lui dans son habit de franc-maçon. Et puis, ce gars-là se tient, d'ailleurs, est alimenté par différentes personnes sur Internet, dont un site qui s'appelle le document.co, et qui est animé par un juif ultra-sioniste, probablement un Sayan du Mossad. Qui sont là pour rendre encore plus extrêmes et fanatiques certains éléments dans plusieurs pays, dont ce malade-là, qui lui, probablement, vous le savez, c'est un jeune qui a étudié à l'école de commerce d'Oslo, qui est décrit par un journal comme étant un conservateur et nationaliste. Et puis, ben écoutez, ce gars-là, troisième degré de la franc-maçonnerie norvégienne. Vous avez différents liens ici vers des sites Facebook, puis tout, où il écrivait. Il écrivait d'ailleurs, pas longtemps, le 17 juillet, qu'une personne avec des croyances égale la force de 100 000 personnes qui n'ont seulement que des intérêts. Donc, notre terroriste norvégien est un profond anti-islamiste, un nationaliste chrétien, mais je pense que l'histoire du chrétien est encore là, un cover-up, un effet pour dissimuler en fait qu'il était un anti-islamiste, pro-sioniste, ultra-sioniste, complètement lavé du cerveau, que les grands médias comme ceux de Rupert Murdoch pendant des années et des années, hein, à travers les Fox News et tous ces médias, c'est connecté, comme je vous disais, à ce scandale de Rupert Murdoch avec son truc d'écoute électronique dans les familles du 911 et puis de célébrités, de toutes sortes de personnes, des gens de la police, du gouvernement, de la famille royale. dilapide dans ses médias de la propagande pro-sioniste. Alors, quand qu'Israël fait de quoi, des attentats, des actes de violence incroyables, on n'en parle jamais ou seulement pour les couvrir, pour les justifier. Et puis, on pèlete de la propagande profondément anti-islamique, anti-arabe, anti-musulmane. On parle hein, de supposés clichés de fausses guerres des civilisations pour essayer de faire croire à des faux ennemis, comme si les catholiques étaient des ennemis des musulmans, des fausses guerres. Fausses guerres aussi contre le judaïsme. Alors, on se demande un peu, puis ça, c'est un point de vue intéressant de notre correspondant ici, Stéphane Poutoir, qui lui, est en train de faire des recherches assez intéressantes. On va essayer de vous présenter ça aussi vers la fin de l'été. On va essayer de l'avoir sur l'émission ici, vous parler d'un dossier vraiment particulier, mais qui avance que probablement justement que les principales religions, on parle ici musulmanes, catholiques et juives, seraient mises en place pour justement créer des groupes. Et puis des fausses divisions, et puis des guerres contre les unes les autres. On monte des guerres les unes contre les autres pour occuper les gens. Et lui dit que probablement derrière ça, c'est justement les francs-maçons, puis il y a des éléments très importants qui viennent vraiment soutenir sa thèse. On voit d'ailleurs, je me rappelle bien, c'est la Cour de justice en Israël. C'est pas le Knesset, ça me glisse de l'esprit, mais en tout cas, un des bâtiments les plus importants d'Israël qui, d'ailleurs, utilise la pyramide. Ce qui est très intéressant. Et puis là, ça vient justement montrer lequel de le dessus de l'autre. Et puis, en tout cas, c'est un autre dossier assez incroyable, mais tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans les médias, on parle de chrétiens, et puis je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui soit derrière cette histoire-là. Vous avez une liste ici des commentaires qui ont été laissés par Anders Behring Breivik sur différents blogs qui, lui, promouvaient la haine des musulmans et puis supportaient la restriction sur l'immigration norvégienne des musulmans. Et puis, sur d'autres médias, eh bien, il écrivait d'ailleurs qu'il était un admirateur de Avigdor Lieberman. Alors, si vous ne connaissez pas ce monsieur, alors c'est un personnage politique très important au Knesset israélien. Alors, il écrivait, et puis c'est une citation, combattons ensemble avec Israël et puis avec nos frères sionistes contre tous ces anti-sionistes et contre tous ces multiculturalistes marxistes culturels. Ça vient de son manifeste. Alors, voyez un peu là à quel point ce gars-là était vraiment très extrémiste. Il avait d'ailleurs un manifesto en anglais un manifeste de 1500 pages qu'il a mis en place, qu'il a posté quelques heures avant la tuerie. Et puis, ce Breivik de 32 ans décrit 9 années de planification des attaques et puis sa vision pour une révolution en Europe menée par les Templiers, les chevaliers du Temple. The Knights Templar, les Templiers, un ordre relié à la franc-maçonnerie. Et puis d'ailleurs, la photo, comme je vous parlais, de Breivik, là, qui est postée sur Facebook, où on le voit d'ailleurs dans ses habits de franc-maçon. Alors, voilà qui est assez intéressant à savoir. Alors, lui, il a écrit de la peur de l'islam et puis d'un plan pour la guerre. Alors, lui, il s'en allait en guerre, là. Alors, vous voyez que le gars, là, est facilement manipulable par ce qu'on appelle des saillants, par le Mossad israélien. Et puis, curieusement, après ça, dans les médias israéliens, les médias qui sont contrôlés aussi, qui sont sympathiques en réalité à la cause israélienne sioniste, dont Rupert Murdoch, eh bien, on arrive en première page, tout de suite après quelques heures, que c'était l'Al-Qaïda qui était responsable, mais on ne révèle pas ces informations-là dont je vous révèle. Donc, vous voyez là, la manipulation de la réalité ici, la manipulation pour contrôler votre perception de la réalité. Encore plus intéressant ici, on voit un peu les conflits internes de cette personne-là, puis comment qu'on a pu manipuler ces malades mentales-là. C'est un Ce gars-là, c'était un. Est-ce qu'il se disait antiraciste et pro-homosexuel et pro-Israël? Alors, lui, vous voyez, il y avait une rhétorique qui se focusait complètement sur l'islamique et les islamistes, disant que les autres groupes d'immigrants, comme les Vietnamiens, les Chinois, et puis les Africains non musulmans, et puis les autres groupes, étaient sans défense, sans, en fait, c'est-à-dire des gens sans danger, excusez-moi, des gens qui ne posaient aucun risque et qui pourraient peut-être même être des contributeurs positifs à la société. Étant donné le contraste énorme d'être un ultra-conservateur chrétien, mais d'être en même temps pro-homosexuel, et qui n'a pas l'air d'y avoir dans le portrait de femmes autour de M. Breivik, autant d'une copine ou une femme, il y a lieu de se demander si justement Anders Breivik était lui-même un gay, un homosexuel. Alors, probablement en conflit interne avec lui-même entre ses vues catholiques et puis d'être homosexuel. Probablement, il y avait une scission psychologique dans l'esprit de ce gars-là, facile à manipuler. On apprend aussi que Anders Breivik a passé 2 mois à ce qu'on appelle aux États-Unis Lake Elmo, le lac Elmo, au Minnesota l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faisait en un tel endroit? Alors, on a des rapports qui viennent de la Norvège qui disent que le shooter, le tueur a visité un centre, comment on appelle ça, counseling, un centre là, où on va voir des gens pour de l'aide. Et puis, c'est un centre chrétien aux États-Unis, au Minnesota. Et puis, qu'il a appelé les gens de Beckman et Associates à Lake Elmo, ce qui est vraiment intéressant. Parce que ce centre est détenu par la sénateur Michelle Beckman, en fait son mari, et qui eux autres justement déclarent qu'un de leurs buts c'est de faire en sorte que les homosexuels redeviennent des hétérosexuels. Intéressant, n'est-ce pas? Alors voilà pour notre petit ami assez troublé psychologiquement, facilement manipulable par des cellules du Mossad. Et puis, pourquoi on a attaqué la Norvège? Ben là, écoutez ça, on va y aller avec les différentes choses que la Norvège a eu le malheur de faire ces derniers temps. Alors, vous avez la Norvège qui s'est désinvestie financièrement de des fonds pétroliers détenus par des compagnies israéliennes. Alors, ça, c'est le ministre des Finances norvégien qui avait annoncé dans le temps que la Norway Oil Fund, alors le fonds du pétrole de la Norvège, s'était désinvesti financièrement d'investissements africano-israéliens. Et puis, en fait, c'est Africa Israel Investments, c'est une des compagnies, puis l'autre, c'est Dania Cbus Limited. Et la raison donnée par le ministre de la Finance, c'était les constructions qui se passaient dans la bande de Gaza puis en Cisjordanie. En fait, ces compagnies-là construisaient en territoire volé, occupé et en Palestine. Alors, ça, c'était une des choses. Ensuite, on a eu un autre motif ici qui expliquerait beaucoup plus les attaques terroristes à Oslo que l'Al-Qaïda. Vous avez un fonds de pension norvégien qui s'est désinvesti aussi des fonds israéliens. Alors ça a même été publié par le journal israélien Haaretz. Alors c'est 450 milliards de dollars qui a été retiré de des fonds de deux firmes israéliennes pour des raisons éthiques. Alors c'est de ce dont je vous parlais précédemment. Vous avez la Norvège qui voulait supporter l'établissement d'un État palestinien au sommet qui va avoir lieu au mois de septembre aux Nations Unies. Il y a la Norvège aussi qui avait annoncé qu'elle se retirait de l'invasion de la Libye, vous savez, qui répond à des intérêts américano-israéliens. Et puis, vous pensez toujours que c'est les musulmans ou l'Al-Qaïda qui vont aller attaquer la Norvège? Incroyable. Vous avez Jonas Garstor qui déclarait: l'occupation doit prendre fin, le mur doit être démoli, et cela doit être fait sans plus attendre. Le ministre des Affaires étrangères a été accueilli avec des revendications voulant que la Norvège reconnaisse un État palestinien lors de sa visite au camp d'été de la Ligue des jeunes travaillistes où le massacre de 90 jeunes a eu lieu. Le ministre des Affaires étrangères a été accueilli avec des revendications voulant que la Norvège reconnaisse un État palestinien. Je le répète. Durant la deuxième journée du camp d'été de la Ligue des jeunes travaillistes à Utøya, l'île où il y avait le camp d'été, les jeunes du Parti travailliste espéraient la visite du ministre des Affaires étrangères, Jonas Gahr. Alors, vous voyez, là, les affaires commencent à prendre un peu de sens. En collaboration avec le correspondant de la Norwegian Broadcasting Corporation, Cecil Wold, et Kirsten Bell-Colson, du soutien populaire norvégien, ont parlé avec le ministre des Affaires étrangères de l'impasse entre Israël et l'autorité palestinienne. Et puis, en tant que ministre des Affaires étrangères, il a été accueilli à Utøya avec une revendication pour que la Norvège reconnaisse, encore une fois, je vous le dis, un État palestinien. Alors, plus tôt cette semaine, vous avez aussi le président palestinien Mahmoud Abbas qui s'est rendu en Norvège. Et le ministre a déclaré à la chaîne de nouvelles TV2 que la Norvège est prête à reconnaître un État palestinien en face du président palestinien. Alors, ça, c'est un autre développement aussi qui est très intéressant à voir dans ce contexte-là. Le premier ministre a déclaré qu'il attendait le texte de la résolution réelle qui sera promue par les Palestiniens à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Vous savez, c'est en automne qu'il est prévu que le président palestinien Mahmoud Abbas va porter l'affaire à l'ONU, où il demandera son adhésion à l'ONU et la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières d'avant la guerre de 1967, excusez-moi, de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Alors là, il y a toutes sortes d'articles à aller voir ici. Vous avez le chef de l'AUF, Eskil Pedersen, qui a déclaré mercredi aussi de cette semaine qu'ils veulent un embargo économique unilatéral norvégien contre Israël. Donc là, vous voyez là que ça commence à être assez clair, la situation là. Les gens commencent à être démasqués. Les médias, ils font pas leur travail pour vous rapporter la vérité, donc il faut le faire ici. Mais vous voyez de plus en plus de gens qui ne sont plus dupes à ces mensonges. Ces mensonges sionistes surmédiatisés. Alors, les relations Norvège-Israël, ça n'allait pas très bien. Il faut se poser des questions, savoir à qui la terreur à Oslo sert. C'est quel agenda que ces attentats servent-ils? Les attentats de Norvège, les victimes d'Utøya, avaient demandé le boycott d'Israël. Israël avait déclaré, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les autorités norvégiennes finançaient des films anti-Israël et puis des expositions et aussi des pièces de théâtre. La Norvège avait répliqué, écoutez, nous, on supporte la liberté d'expression. Alors, vous aviez des conflits très sérieux diplomatiques entre ces deux pays. Israël a accusé le gouvernement norvégien de financer, d'encourager et d'inciter des sentiments anti-israéliens. Alors, écoutez, vous avez ici un autre article de Aftenposten. C'est un parti politique norvégien qui a même demandé l'utilisation de la force militaire contre Israël. Alors, vous voyez, là, ça allait assez loin, là. Donc là, on parlait de cette histoire de la Libye. La Norvège voulait quitter la Libye au mois d'août. Alors ça avait été annoncé même dans les réseaux de médias officiels comme AP. Alors ça aussi, ça nuit aux objectifs et à l'agenda américain, sioniste, banquiers internationaux. Et puis là, après ça, on vous dit que c'est des musulmans, c'est l'Al-Qaïda qui a attaqué la Norvège. Incroyable. Alors, toutes ces bizarres de coïncidences, hein, ces bizarres de coïncidences, la visite de M. Abbas pour discuter de l'affaire palestinienne en Norvège, et puis, zap, quelques jours après, on a le camp d'été où on demande un boycott des produits israéliens, puis boum, après ça, on a une attaque terroriste. Blâmée par les grands médias, la CIA, tout de suite, rapidement, sur le dos de l'Al-Qaïda. Alors, on voit que le modus operandi sur les cibles, le timing laisse penser que l'attentat commis à Oslo ne relève pas de l'attentat terroriste sorti de nulle part, là, ex nihilo, mais bien de l'attentat politique et même d'une tentative d'assassinat politique. avec pour cible le premier ministre Jens Stoltenberg et le Parti travailliste. Cet attentat a été commis avec la volonté évidente de minimiser les dégâts collatéraux à ces deux cibles, en particulier en choisissant une période de la semaine où l'espace urbain autour des bâtiments gouvernementaux était quasi désert, tandis que la fusillade sur l'île d'Utøya ne pouvait que frapper les militants du Parti travailliste ou des sympathisants, puisque celle-ci avait été, en fait, est la propriété d'une association de jeunes travailleurs liés au Parti travailliste. Alors, on est en effet bien loin de la stratégie du terrorisme international islamiste qui vise à frapper de manière anonyme les foules afin que celles-ci se retournent contre leur chef politique. Les moyens déployés lors de cet attentat politique, la simultanéité des attaques montre qu'il n'a pas eu à être, ça n'a pas pu être commis par un groupe inexpérimenté. Ça ne vient pas d'un marginal ou d'un loup solitaire, mais ça a été fait par des personnes qui sont au fait des techniques des explosifs et des actions de commando. Ces attentats ont bénéficié d'une sérieuse préparation, tant sur le plan du renseignement, savoir où Jens Stoltenberg se trouvait bien à proximité de l'explosion et son bureau a été détruit d'ailleurs. On parle de logistique ici. Alors, allez voir ça. Écoutez, il y a tellement d'articles, là, c'est incroyable, là. Vous avez Jens Stoltenberg qui, lui, s'était d'ailleurs opposé au projet du bouclier antimissile. Donc, on voit aussi des intérêts américains là-dedans. On a reproché à Jens Stoltenberg de favoriser une politique de rapprochement avec la Russie qui prend trop en compte les intérêts norvégiens face à ceux de l'Alliance. Et puis, on lui avait reproché, en fait, à Olof Palme sa proximité avec l'URSS. On avait aussi cette politique indépendante. Le gouvernement norvégien l'a aussi développée au Proche-Orient en s'opposant à la politique belliciste de l'entité sioniste, en fait, d'Israël. De la même manière que les brutales attaques contre le Liban et Gaza ont contribué à la détestation du sionisme en Norvège. Les massacres de Sabra et de Châtillon ont provoqué la détestation de ce sionisme dans la Suède, d'Olof Palme dans le temps. En 2006, on a eu une crise diplomatique qui avait éclaté entre les deux pays, d'ailleurs suite aux propos tenus par l'ambassadrice d'Israël. En 2010, la Norvège a exigé une enquête internationale sur l'abordage par Israël de la flottille turque. En août 2010, la Norvège se désengage des deux investissements, comme je vous disais, israéliens, jugeant ces sociétés moralement condamnables. En octobre 2010, la Norvège a interdit des exercices de submersibles israéliens construits en Allemagne dans des eaux territoriales. Jonas Gahr Støre, le ministre des Affaires étrangères norvégien, a déclaré pour l'occasion que la Norvège n'exportait pas de matériel ou de services dans le domaine de la défense vers des pays où la guerre menace. En 2007, la Norvège a reconnu le Hamas. Le gouvernement norvégien aussi vient de se prononcer en faveur de l'admission de la Palestine à l'ONU, comme je vous disais. Donc, vous voyez, là, toutes sortes d'intérêts ici qui pointent dans une toute autre direction que ce qu'on vous dit dans les grands médias. Donc, plusieurs questions à vous poser, plusieurs informations ici à les lire pour vous informer, pour trouver toutes les pièces du casse-tête. Puis là, vous allez pouvoir comprendre qui est derrière ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Al-Qaïda, comme vous voyez. Donc, voilà, chers amis, l'histoire devient de plus en plus claire. Des informations vont continuer à sortir. On va vous tenir au courant de tout ça la semaine prochaine, ça c'est certain. Vous avez plusieurs articles ici qui viennent de Madison Rupert du Activist Post. Alors, on voit ici une analyse de ces attaques-là en trois parties. Plusieurs informations qui sortent. Et qui, d'ailleurs, vont expliquer aussi ce qui s'en vient. Bien sûr, vous allez avoir les control freaks qui vont utiliser ça pour essayer de couper dans les droits et libertés des Norvégiens, ça c'est certain. Hein? Donc, on commence à comparer ça avec les attaques de Oklahoma City. Hein? On se rappelle de ça. Alors, on dit que c'est un fou. Un fou isolé qui a fait ça alors que c'est piloté à distance. Ces affaires-là, c'est des opérations des services secrets. Tout ça a les empreintes d'une attaque, c'est en fait de piloté à distance du Mossad. En même temps, vous devez comprendre que ça change le paysage médiatique qui parlait beaucoup trop justement du scandale de Rupert Murdoch et puis de la flottille de la liberté. La flottille de l'aide humanitaire vers Gaza qui a été complètement arrêtée par Israël. Alors, ça change un peu les idées, le mal de place, parce que l'image d'Israël souffre énormément de par ses propres actes, pas parce qu'on veut la démoniser, c'est de ses propres actes. Elle se discrédite elle-même, cet Israël sioniste, aux grandes dames, au grand malheur des bons juifs qui y habitent. Mais ça, ils n'en ont rien à foutre aussi. Ces sionistes, ces sionistes, sinistres sionistes, il faudrait faire un nouveau mot, des sionistes. Hein, on mélange sionistes et sinistres ensemble. Ben oui. Ils se foutent bien de leur propre population. En fait, ils se servent de ces juifs comme d'un bouclier. Et puis après ça, on brandit l'étiquette de l'antisémitisme plutôt. Oh, t'es un dangereux antisémite, anti-juif. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour terminer cette bulle-là, vous avez ici un site où je prends aussi beaucoup de mes nouvelles, là, What Really Happened, et puis le webmaster, Michael Rivero, a une théorie qui commence à avoir pas mal de bon sens, qui rassemble à peu près tout ce que je vous ai raconté cette dernière heure. Cette dernière heure. Et c'est les motifs pour cette fausse attaque pavillon, false flag, attaque terroriste en Norvège. Et puis voilà ce qu'il pense qui est arrivé. Et puis je vous laisse juger par vous-même, mettre les pièces ensemble, mais je pense que ça a bien d'allure. Alors écoutez, Israël, selon lui, décide que le meilleur moyen de stopper Israël de mener l'Europe pour se distancier de la domination sioniste, a décidé de mener une attaque terroriste et puis de la blâmer sur les musulmans pour faire en sorte que le public mette de la pression sur le gouvernement de la Norvège et puis d'abandonner justement ses campagnes de boycott israélien, des produits israéliens pour supporter la Palestine. Ensuite, vous avez des agents israéliens qui sont en Norvège et qui localisent un personnage idéal pour faire ces attaques terroristes. Et puis, on a trouvé Anders Behring Breivik qui, à travers un site internet qui s'appelle le documents.no, qui est géré par un pro-sioniste. Ultra, ultra, OK, disons plus, plus, plus. Alors, un pro-sioniste juif est probablement un saillant, alors une cellule activable à distance par le Mossad pour des opérations. Alors, on trouve M. Breivik qui, lui, a été brainwashé pendant la plus grande partie de sa vie adulte par, justement, les médias contrôlés par les sionistes qui n'arrêtent pas de bâcher les musulmans. Alors, il y a des gens qui commencent à finir par croire toutes ces niaiseries-là, là. Et puis, le fait d'être membre des francs-maçons lui permet de se voir lui-même comme étant, si vous voulez, un descendant spirituel et politique des Templiers, des Knights of Templars. Et puis parce que ces vues pro-homosexuelles qui finalement contredisent et sont en grande divergence avec ces vues fondamentalistes chrétiennes, avec ces valeurs chrétiennes fondamentalistes, eh bien, il était suspecté que Anders Behring Breivik est lui-même un gay et qui est profondément en conflit par ce fait-là. Alors, ce personnage essaie de se bâtir une nouvelle identité pour lui-même, pour qu'il puisse se sentir meilleur et puis se donner un peu d'auto-estime. Et puis devient un candidat idéal, justement, pour le recrutement par les services clandestins d'Israël. Alors, Breivik, qui était habillé comme un officier de la police sur le traversier en direction de l'île où il planifiait tuer ses enfants, qui, d'ailleurs, étaient affiliés politiquement. Qui lui, vous savez, ses enfants qui étaient alignés même avec le parti politique qui était au pouvoir et qui était conçu par Breivik comme étant trop pro-musulman et puis lui il était strictement anti-musulman. Alors, étant donné que normalement il n'y avait pas de police sur l'île, Probablement, on pourrait juger, on pourrait, euh, on, pourrait, si vous voulez, en venir à la conclusion que l'uniforme de Breivik, l'uniforme de police, était planifié pour s'échapper. Alors, lui, il pensait probablement que quand la police était pour arriver, qu'il était pour se mêler à la police et puis finalement s'en sortir de cette façon-là. Mais le second suspect qui a été arrêté, probablement qu'il était, lui, un plan de secours pour justement tuer Breivik, sachant que ça prendrait probablement plusieurs jours avant que le fait qu'il n'était pas un vrai officier de police soit rendu public. Pendant ce temps-là, les médias qui, eux, évidemment, continueraient de marteler que ce soit des musulmans qui soient responsables, hein, dans les, répéter ça, crier ça dans les oreilles des Norvégiens et le reste du monde, comme on l'a vu les faire, dont le Sun, hein, le journal de Murdoch, qui avait déjà commencé à le faire, jusqu'à temps que l'arrestation de Breivik soit faite et qu'il soit identifié comme étant un chrétien sioniste. Alors, ça a l'air que le plan pour exécuter ces attentats et finalement pour s'échapper ont tombé à l'eau. Breivik, réellement, là, dans le plan, n'était pas censé être capturé vivant. Alors, soit qu'il devait s'échapper avec son uniforme de la police, ou devait être assassiné par l'autre suspect qui a été arrêté. Ce qui aurait d'ailleurs permis de cacher son vrai rôle dans ce désastre et puis donner le temps aux médias de vendre le message planifié anti-musulman aux gens de la Norvège et du reste du monde. Mais le plan n'a un peu déraillé, n'a pas été comme prévu, a déraillé. Et puis, ben écoutez, là, la vérité commence à sortir. Alors voilà, donc c'est ça qui est ça pour le volet de la Norvège. On fait une petite pause musicale, puis on se retrouve immédiatement après nous. Alright, vous êtes de retour à l'autre monde. Bon, écoutez, chers amis, on continue avec ce massif dossier très pesant. Et là, ça continue avec l'histoire de Rupert Murdoch et puis ses massives opérations d'écoute d'espionnage, d'écoute électronique et d'espionnage. J'avais commencé à en parler la semaine passée. D'ailleurs, une petite parenthèse ici avant de débuter avec ça. J'ai un plugin ici pour Firefox, là, ceux qui utilisent la plateforme de Firefox, là. Vous avez un plugin ici qui va vous indiquer à toutes les fois que vous arrivez sur un média contrôlé par Rupert Murdoch. Alors, intéressant de les voir. Alors, oui, comme je disais, toute cette histoire de la Norvège et puis des médias, Murdoch et puis, Israël, les sionistes, est relié ensemble et puis c'est pas pour mal faire et puis pour faire des théories de conspiration, mais c'est bel et bien le cas. Écoutez, à un moment donné, il faut se rendre compte de la réalité, là. Vous avez des nouvelles dont je vous avais rapporté un peu la semaine passée qui avaient été mises à jour. Alors, écoutez, c'est des nouvelles assez importantes où on apprend que justement, on avait des opérations très importantes, très massives d'espionnage de Rupert Murdoch. Et puis on apprenait justement là-dedans que vous aviez, en fait, là, Murdoch qui était intéressé à espionner sur les familles des victimes du 9-1-1 et puis des attentats à Londres aussi. Et on doit comprendre, on doit en fait poser la question, savoir pourquoi il était si intéressé en ces familles-là. On se demande s'il y avait une main d'un pays étranger là-dedans. Hein? Et puis, encore plus important, c'est à savoir, en fait, il faudrait questionner Fox News, qui est détenu par cet empire de Murdoch, à savoir pourquoi eux autres, ils étaient si... ils se dépêchaient très rapidement pour accéder aux requêtes de l'IPAC, qui est un gros lobby juif aux États-Unis, d'enterrer l'histoire de Carl Cameron qui a une émission sur Fox News à propos de du réseau d'espionnage israélien. Ça avait fait toute une histoire aux États-Unis. C'était une série, je crois, sur 3 jours, où il avait révélé de façon très claire là, que, en fait, tous les réseaux des communications téléphoniques aux États-Unis étaient, grosso modo, gérés et interceptés par des compagnies israéliennes, et puis que, finalement, à peu près tous les Américains étaient sous écoute électronique par des compagnies dirigées par Israël, en fait, animées par des espions, des Mossad, des trucs de genre. Et puis, c'était une histoire qui était absolument surprenante, surtout que ça sorte sur Fox News. Là, je veux dire, c'était vraiment surprenant que ce soit Fox News qui fasse une nouvelle là-dessus. Donc, on avait mis à jour, en fait, un réseau d'espionnage incroyablement vaste, un réseau d'espionnage israélien aux États-Unis. Et si vous regardez cette histoire de Carl Cameron, et même s'ils admettent l'existence de l'évidence qu'Israël savait en avance que l'attentat du 9-1-1 était pour se produire, mais qu'ils n'ont fait absolument rien pour avertir les États-Unis, vous devez noter comment les commentateurs de Fox News ne cessaient pas de rappeler à l'audience qu'Israël n'avait rien à faire avec le 9-1-1, n'était pas lié du tout au 9-1-1, alors qu'il n'y avait aucune base factuelle pour eux de dénier un tel lien. Et qu'en fait, il y avait au moins une pièce d'évidence qui suggérait qu'Israël avait en fait participé au 9-1-1. Et c'était justement dans cette histoire. Et puis, vous avez une citation ici d'un officiel américain qui était passé sur le show de Carl Cameron sur Fox News, qui avait déclaré, puis je vais vous le lire en anglais, « Evidence linking these Israelis to 9-11 is classified. I cannot tell you about evidence that has been gathered. It's classified information. » Alors, tout simplement, les États-Unis ont déclaré ça, puis ça reste une citation bien populaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des évidences, justement, liant les Israéliens au 9-1-1, mais c'est classifié secret d'État. Alors, personne ne peut discuter des évidences qu'ils ont amassées jusqu'à date, parce que c'est de l'information classifiée top secret. Alors, est-ce que Rupert Murdoch est un agent du Mossad directement ou à tout le moins un saillant? Alors, si vous ne savez pas c'est quoi les saillants, c'est SAYAN. Alors, faites une petite recherche sur Internet. C'est des cellules qui, finalement, sont sympathétiques à les réseaux israéliens comme le Mossad, okay? Qui sont là pour protéger Israël et puis ses intérêts. Alors, est-ce que Rupert Murdoch était simplement un agent du Mossad ou un saillant protégeant Israël avec son empire médiatique? Et puis ça, c'est probablement la question la plus importante qu'aucun média ne va oser prononcer dans les grands, grands, grands médias respectables, les journaux, hein, qui vous tiennent informés à chaque semaine des choses les plus importantes dans le monde, n'est-ce pas? Alors, allez voir ça. Vous avez plusieurs nouvelles de ces fameux réseaux d'espionnage israéliens. Et puis, parlant de réseaux d'espionnage israéliens, vous allez en apprendre pas mal d'ailleurs à la fin de cette section-là aussi sur les réseaux d'espionnage israéliens partout dans le monde. Ok, c'est pas seulement que aux États-Unis ou tu sais ailleurs. Là, je veux dire, vous avez ce cas important d'ailleurs qui a éclaté cette semaine. En Nouvelle-Zélande, suite au tremblement de terre, écoutez, vous avez un tremblement de terre là-bas, et puis une des victimes était un Israélien, et puis là, il a été finalement mis à jour que ce gars-là possédait 5 passeports étrangers, était, selon plusieurs sources, un agent du Mossad qui participait à un réseau d'espionnage en Nouvelle-Zélande. Alors, des gens, évidemment, au niveau du gouvernement nouveau-zélandais ont dénié ça, et puis ont évacué, je pense, c'est 4 ou 5 autres personnes comme ça, très rapidement du pays. Et puis, ben écoutez, c'est assez incroyable parce que là, on parle encore de vol de passeport et vol d'identité rapportés par plusieurs journaux. Alors, 4 Israéliens comme ça qui étaient à Christchurch en Nouvelle-Zélande lors du tremblement de terre du 22 février, qui étaient justement sur une mission probablement d'espionnage là-bas, selon plusieurs sources, comme je vous disais. Donc, écoutez, ça, vous avez plusieurs nouvelles à les trouver sur ça. Donc, des réseaux justement internationaux comme ça du Mossad d'espionnage qui sont révélés. Plusieurs nouvelles par rapport à ça, pas seulement encore là en Nouvelle-Zélande. Vous allez trouver d'autres nouvelles comme ça qui parlent de l'Égypte ici qui détient un officier israélien qui est détenu qui est accusé en fait d'espionnage en Égypte. Ensuite, ben écoutez, vous avez Israël qui on demande à Israël justement de cesser de trafiquer puis de voler des passeports étrangers. Alors ça vient de plusieurs ambassades dans le monde. Alors plusieurs ambassades qui sont assez agacées par ces cas-là qui continuent hein, de pleuvoir un peu partout. Vous avez Philippe Giraldi qui a parlé justement des réseaux d'espionnage israélien en Amérique. Vous avez plus de 125 enquêtes dans les réseaux d'espionnage israélien en Amérique qui ont été arrêtées à cause de la pression politique, imaginez. Ça, c'est un ancien gars du FBI, John Cole, qui a déclaré ceci. Alors, rien que pour vous dire, là, c'est quand même des affaires assez sérieuses. Et puis aussi, il ne faut pas oublier non plus cette histoire de Pollard, hein, qui un ancien analyste là, de la Navy, qui était en fait un espion israélien qui a passé des documents secrets sur les activités américaines d'espionnage dans le monde arabe, et puis aussi sur les secrets nucléaires. Alors, Israël qui avait finalement volé les secrets nucléaires via ses espions en Amérique et s'était tourné de bord et puis avait finalement vendu ces documents-là à l'Union soviétique. Alors, aux personnes même contre qui ces armes nucléaires-là étaient censées menacer et puis garder en place. Alors, vous savez, c'est assez incroyable. En échange de ça, ben, Israël a réussi à obtenir une immigration accru des quotas de juifs quittant la Russie vers Israël. N'est-ce pas incroyable? Les Américains, dans les années 50, ils ont payé plus de 5 trillions de dollars pour construire, maintenir ce déterrant nucléaire, alors ces armes de dissuasion. Et puis, vous avez Pollard Israël qui, eux autres, tout simplement, ont gaspillé tout cet investissement d'argent-là. Par ses activités d'espionnage, ok? Donc, voyez là, c'est pas des trucs isolés là, ces réseaux d'espionnage, c'est de quoi de très répandu. Alors, vous allez évidemment trouver plusieurs nouvelles là-dessus. Et puis, vous allez comprendre que justement, ces écoutes électroniques-là, ces hackings de News of the World de Rupert Murdoch ont même effacé des messages des victimes. Écoutez, c'est incroyable. Là, on a volé des messages comme ça de leur boîte à courriel. Et puis, on a tout simplement effacé les traces des perpétrateurs. OK? Vous avez la presse israélienne aussi qui est silencieuse sur toute cette histoire de Murdoch et qui vous montre encore là, hein, je veux dire, des affinités, des convergences d'intérêts, collusion, n'est-ce pas? Ensuite, on apprend dans une nouvelle ici que justement, ces histoires de corruption de la police et des politiciens maintenant ciblent plus de trois continents. Alors, c'est tout un scandale. Finalement, là, c'est en train d'avoir des répercussions sur plus de trois continents, donc en Amérique. Ensuite en Europe. Et puis dernièrement, ben là, écoutez, vous avez aussi l'Australie. Donc, on a aussi hacké et puis fait des écoutes illégales en Australie. Alors, vous avez plusieurs grosses têtes qui commencent à tomber. Et puis, tomber littéralement. Là, je ne parle pas juste là, démissionner. Vous avez des commissaires de police, des gens au gouvernement en Angleterre, là, des très hauts placés qui ont dû démissionner très rapidement, ne sont même pas essayés de dénier l'affaire, sont juste partis. Et puis, après ça, ben, vous avez deux personnes qu'on a retrouvées mortes. Alors, le scandale des écoutes téléphoniques en Grande-Bretagne, le journaliste qui était à l'origine de l'affaire a été retrouvé mort. Alors, vous voyez, c'est les deux personnes comme ça reliées à cette histoire-là qui ont été éliminées. Donc, vous voyez, là, on parle de des gros joueurs. Les requins sont en train de s'entremanger eux-mêmes, là. Donc, l'affaire des écoutes téléphoniques généralisées au profit du magnat de la presse néo-mondialiste Murdoch est en mesure de déstabiliser plusieurs pays, dont l'Angleterre particulièrement, à tel point que le journal a été purement simplement fermé du jour au lendemain. Okay? Alors qu'il comptait des millions de lecteurs, à un tel point que le directeur du Scotland Yard a dû démissionner, de même qu'un second haut responsable au service de Sa Majesté, à un tel point que le premier ministre se voit obligé de rentrer précipitamment. En fait, il est rentré là, il y a à peu près une semaine de vacances pour tenter de désamorcer ce scandale pitoyable. Donc, Sean O'Rey qui a été découvert mort. Vous avez des vidéos par rapport à ça, vous allez voir ça. Même s'il savait quelqu'un, lui se sentait menacé, il a même déclaré que quelqu'un s'en venait pour le tuer. Donc, écoutez, c'est assez incroyable, là. Et puis, la police qui a déclaré que justement sa mort n'avait rien de suspect. Ben oui, bien sûr. C'est bien sûr. Hein? Donc, deux personnes reliées à Murdoch qui ont été retrouvées mortes, des personnes qui s'étaient ouvert la bouche et révélé différentes informations par rapport à ça. Donc, vous voyez que ça commence à être assez sérieux. John Yates, qui lui est au sommet de la police britannique, a été obligé de se retirer, de donner sa démission. Alors, l'empire de Murdoch est en train d'exploser et puis on est en train de révéler tous ses secrets très hideux. Donc, Rupert Murdoch a aussi mener des opérations sur Fox News, alors, des informations. Alors, voyez, ça a été aussi révélé par Dan Cooper qui a aidé à lancer Fox News en 1996, a déclaré qu'il y avait aussi une brain room, alors une chambre du cerveau, si vous voulez, qui s'occupait de la contre-intelligence. Et puis qu'on avait justement les quartiers généraux, là, carrément à Fox News. Fox News, là, finalement, c'est une agence privée de propagande. Okay? De propagande reliée à Murdoch qui est en fait pro sioniste. Ça vous indique un peu là comment justement toutes ces affaires-là sont reliées ensemble. Alors vous comprenez là l'histoire de la Norvège et puis tout ça que ça commence à prendre forme là. Vous comprenez, ça prend quand même pas mal de temps. Vous devez être patient pour écouter tout cet exposé, mais vous voyez qu'en fin de compte là, ça commence à former un tout de cette histoire-là. Vous avez les médias aussi anglais qui ont ignoré le rôle de Murdoch dans la vente de la guerre en Irak. Ok? Alors, évidemment que Murdoch a aidé à vendre la guerre en Irak en vendant des mensonges incroyables, disant que l'Irak était une menace, était lié au 9-1, avait des armes de destruction massive. Et puis, vous voyez que même Murdoch a déclaré qu'il y avait une guerre en ce moment contre les Juifs. Alors, lui, voyez là, ça vient de la bouche du requin même, là. Donc, vous voyez là que son empire lui servait à défendre puis à vendre les intérêts ultra-sionistes. Alors, évidemment que la guerre en Irak, on a appris aussi que finalement, hein, les gens du PNAC et puis ceux qui étaient derrière la vente et puis la préparation de la guerre aux États-Unis en Irak, ben écoutez, ces gens-là étaient la plupart de ce qu'on appelle les néocons, les néoconservateurs, étaient des gens qui étaient à double nationalité israélienne, où la plupart étaient juifs. Alors, encore là, c'est pas pour faire de l'antisémitisme, mais vous voyez que finalement, c'était une guerre qui a été vendue, préparée, que la fausse information, la propagande, puis tout venait de l'État sioniste. Ok, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé si ça froisse vos oreilles, mais c'est ça la réalité. Puis je veux dire, si vous l'avez pas encore entendu, ben il est temps que vous l'entendiez là. Je veux dire, qu'on mette les pendules à l'heure, n'est-ce pas? Alors, vous avez une vidéo ici assez incroyable où on apprend justement, ça a été déclassifié, manipulation massive des médias américains par Israël. Alors, vous avez des dossiers, des documents qui ont été déclassifiés en Amérique qui ont révélé des campagnes de relations publiques undercover qu'on appelle. Et d'activités de lobbying d'Israël à l'intérieur des États-Unis. Ça a été, c'est des documents de la National Archive américaine des États-Unis qui ont été révélés suite à une enquête du Sénat. Alors, c'est pas des conspirationnistes antisémitiques là, qui vous racontent ça, là. Alors, ces documents-là suggèrent évidemment qu'Israël a essayé de façonner la couverture médiatique de plusieurs situations comme la guerre en Irak et puis sa vente et puis différents autres sujets qui étaient aussi importants. Alors, vous pouvez télécharger ces documents-là via l'Institut pour la recherche de la politique au Moyen-Orient. Et puis, vous avez une vidéo aussi à aller voir. Donc, vous voyez, ça vient de sources officielles gouvernementales. Donc, c'est toute une histoire pour essayer justement de pelleter de la propagande, pour essayer de façonner la perception des gens. Et puis, on appelle ça des opérations psychologiques. Et vous voyez que là, ces trucs-là, ce n'est pas des choses anodines, elles sont reliées. Fox News se trouve maintenant être exposé comme étant une partie de la vaste opération d'intelligence de Rupert Murdoch, déguisée en agence de nouvelles. Et puis, il est important de rappeler que il y a d'autres réseaux de nouvelles aussi qui ont d'ailleurs fonctionné aussi volontairement comme étant, si vous voulez, un ministre de la propagande du gouvernement. Il y a un test, comme je vous disais un peu plus tôt en émission, qui est assez simple pour trouver si un média vous ment ou pas. C'est de voir si ces médias-là vous ont dit que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, alors qu'il savait consciemment qu'il vous mentait. Alors, plusieurs articles, des exemples dans le passé de distorsion médiatique corporative, Murdoch qui cache ses racines profondément, hein, donc il veut pas qu'on sache là qu'il y a du sang juif. Alors, d'avoir du sang juif, ça veut pas dire que c'est mauvais là. Attends, comprenez-moi bien là, virez pas malade là, ok là. C'est juste que ces gens-là cachent leur propre identité, cachent leur billet, cachent leur allégeance. OK? Ces gens-là ont une allégeance envers les sionistes d'Israël. Alors, Murdoch est devenu un Américain citoyen pour des raisons de business, apparemment. Mais il vous cache qu'il est né à Melbourne, en Australie, le 11 mars 1931. Son père était Sir Keith Murdoch et puis était un publicateur de journaux. Et puis sa mère était une juive orthodoxe. Et ça se retrouve dans sa biographie. Alors, vous voyez que le scandale de Murdoch peinture les médias de l'establishment et puis nous laisse avec deux questions qui doivent être répondues. C'est qu'à un moment où les médias corporatifs luttent, et vous savez, j'en parle semaine après semaine, les médias sont en lutte pour survivre, ils ont de la misère à survivre, ils n'ont pas d'argent, je veux dire, ils sont obligés de couper dans le nombre de copies qu'ils font. Et puis, je veux dire, vous savez, là, ils sont en train de s'écrouler financièrement. Alors, quelle était la source des vastes sommes d'argent que Murdoch utilisait pour acheter de larges sections des médias du monde entier? Il en possédait plus de 100. Et aussi, comment se fait-il qu'un étranger, en réalité, des États-Unis, parce que ce gars-là, il a obtenu la citoyenneté américaine, mais c'est un immigrant, comment se fait-il que quelqu'un comme ça peut finir par avoir un contrôle si important des médias américains? Les médias américains sont, il faut le dire, là, puis les plus grandes agences de nouvelles dans le monde, c'est la même affaire, puis c'est pas encore là, c'est pas de l'antisémitisme, sont contrôlés par des intérêts pro-sionistes, pro-israéliens, pro-juifs. Alors, vous avez un sacré biais. Imaginez si tous les médias étaient contrôlés par des musulmans ou des bouddhistes ou peu importe. Pensez pas qu'il y aurait lieu de se poser des questions? Évidemment qu'on va essayer de vous fermer la gueule en vous disant « Ah, oh, t'es un sale antisémite, raciste, t'es incroyable, t'haïs les Juifs, t'es plein de haine depuis dans ton cœur. » Ça, c'est pour essayer de vous intimider pour pas vous poser les vraies questions. Comment ça se fait qu'il y a un contrôle, qu'il y a une influence d'un certain groupe particulier si important sur les médias, prêt à vous vendre des guerres, prêt à vous mentir en pleine face? Hey, les attaques de Norvège, quelques heures après, c'est l'Al-Qaïda, voyons donc. C'est grave, là. C'est pas une petite affaire, tu sais, c'est pas de quoi qui est anodin, là. Donc, vous avez un autre article ici de 10 questions que les gens doivent, en fait, que les ministres doivent poser à Murdoch, parce que lui, il est en train de se faire griller sur des commissions d'enquête, là. Il y en a une question qui est super importante, la numéro 3, qui devrait être posée, puis je la lis. Tous les journaux de Murdoch ont utilisé ce qu'on appelle en anglais le dodgy dossier de Tony Blair. En septembre 2002, qui essaie de générer une fièvre de la guerre avec des assertions qui étaient fausses, qui, dans les mots du Sun, le journal dont je parlais, qui avait annoncé que c'était l'Al-Qaïda qui était responsable des attaques terroristes en Norvège, de Murdoch. Alors, son titre à la une en 2002, en septembre 2002, c'était Brits 45 minutes from doom. Ça veut dire que les Britanniques sont à 45 minutes d'être complètement annihilés. Alors, vous vous rappelez, Tony Blair avait prétendu que Saddam Hussein n'avait besoin que de 45 minutes pour envoyer des armes de destruction massive sur l'Angleterre et détruire l'Angleterre. La main de Alistair Campbell, qui était l'officier de la presse de Blair, a été largement considéré comme étant celui qui avait été responsable de ce fameux dossier de fabrication totale de mensonges. Mais il n'y avait aucune couverture dans le Sun et puis le reste des journaux de News International quand il avait été révélé que des parties de ce dossier qui étaient supposées présenter un cas en acier en béton pour attaquer l'Irak étaient finalement une copie d'une thèse d'un enfant de 12 ans qui a été publiée sur un site Internet par un étudiant qui essayait de faire une thèse en PhD qui avait copié. C'est finalement du plagiat. Alors, comment ça se fait que il y avait aucune couverture de ça pour exposer la vérité? Est-ce que c'est parce que Blair avait un pacte avec The News International? Qui était pour présenter une promotion constante pour la guerre, même si cela voulait dire utiliser des mensonges et des distorsions. Alors, vous voyez comment que ces trucs-là sont importants. Et puis, ces cons-là au Times de London, qui est aussi possédé par Murdoch, a publié cette semaine une image, une genre de caricature, si vous voulez, un petit dessin, qui est appelé les priorités. Les 100 honte ont montré genre trois enfants en train de mourir genre en Afrique là, on voit les côtes avec la bedaine enflée et puis qui disent ah oh, je suis plein j'en ai eu assez hein, de ce scandale des écoutes électroniques et puis en fait des écoutes des téléphones. Alors le Times of London, ben oui, incroyable, en voulant dire écoutez c'est pas grand-chose là, ça veut rien dire. Débile. Soit disant en passant, on a un autre cas ici qui a été révélé cette semaine, un cas en autre en béton, un businessman israélien puis qui est producteur aussi à Hollywood, Arnon Milchan, qui a été pendant longtemps un dealer d'armement et puis un agent des services du renseignement israélien, qui a apparemment acheté de l'équipement pour le programme nucléaire israélien. Eh bien, chers amis, on a des preuves maintenant que ce producteur hollywoodien est un agent nucléaire israélien. N'est-ce pas incroyable? Alors, vous voyez, c'est vraiment partout, là. Vous avez d'ailleurs le scandale aussi de Murdoch qui a révélé des opérations en couverture, là, tu sais, underground, des opérations de l'université de East Anglia concernant le dossier du réchauffement climatique. Alors, c'est incroyable, là. Juste l'idée que le département d'East Anglia est obligé d'employer une firme de relations publiques concernant ses recherches scientifiques est complètement absurde. Les recherches qu'ils font devraient être capables de se tenir debout par elles-mêmes sans engager des firmes de relations publiques. Mais là, on apprend que vous avez un des directeurs de cette firme-là qui a été engagé par l'Université de East Anglia dans le département des recherches climatiques, qui lui avait pour mission justement de mener à bien des opérations en couverture. Il est arrêté cette semaine en connexion avec justement le scandale de News of the World. Alors encore relié dans toutes ces histoires-là, incroyable. C'est assez particulier de voir ça. Donc voilà les gens qui sont là pour façonner votre perception de la réalité. Donc énorme dossier, chers amis, énorme dossier. Et puis, ben écoutez, ça nous mène vers la fin de l'émission. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout traiter. Je pense pas que j'aurai le temps de traiter de Fukushima. On va faire une petite pause de Fukushima. Coudonc, cette semaine, on va parler de ça la semaine prochaine. Mais vous commencez à comprendre un peu où c'est qu'on s'en va avec ça. La semaine passée, je parlais du fascisme économique. Trouvez une citation assez incroyable ici qui risque de vous choquer. Écoutez bien ça. La lutte contre la finance internationale et le capital de prêt est devenu le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté économique. Alors, je répète, la lutte contre la finance internationale et le capital de prêt est devenu le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté économique. C'est ça dont je parlais la semaine passée. Le fascisme économique, c'est ça. Fascisme économique, ça n'a pas à voir là, avec toutes les exactions puis les affaires terribles que le régime nazi a pu faire, là. On parle à froid, là, de quel est le fascisme, parce qu'on vous a lavé le cerveau. La fable de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale vous a fait à croire que le fascisme, c'est quelque chose d'autre que ce que c'est. Et puis, c'était simplement la libération, justement, de ce joug des banquiers internationaux avec leur système basé sur la dette et fractionnaire bancaire. Qui a déclaré ça? La lutte contre la finance internationale et le capital de prêt est devenu le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté économique? Adolf Hitler. Oh my God! Il a cité Adolf Hitler! Eh, c'est monac! Là, les gens vont commencer à courir partout dans la chambre et à se tirer. Calmez-vous! Respirez, les enfants! Respirez, les enfants! Pas en train de faire l'apologie d'Adolf Hitler, pas en train de faire quoi que ce soit. Je suis pas en train de vous dire que vous devez virer nazi, je suis pas en train de vous dire qu'on est pro-nazi ici, ça n'a rien à voir. Je suis en train de définir le terme du fascisme. Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a été menée pour rendre le monde plus sécuritaire pour ces banquiers internationaux qui fonctionnent sur l'usure, hein, des taux usuraires et puis un système qui est frauduleux? Ben, ça se pourrait que si vous faites vos recherches, que vous commenciez à comprendre que c'est effectivement le cas. Un des premiers actes des États-Unis, des forces d'occupation des États-Unis au Japon en septembre 1945, était de restructurer le système bancaire japonais, qui fonctionnait de façon indépendante depuis jusqu'à temps. On venait de le changer depuis quelques années, puis ça fonctionnait super bien. Alors, on l'a changé, ce système bancaire japonais, pour le rendre plus pliable, flexible, pour qu'il fitte plus avec les normes des banquiers internationaux. Alors, le financement sans restriction de l'État par la Banque du Japon a été aboli. Et puis, les grands centres industriels japonais, comme les Aibatsu, ont été démantelés. La politique a été mise en place par Joseph Dodge, un banquier de Détroit, qui était un conseiller financier du commandant des forces alliées suprêmes, le général Douglas MacArthur. Alors, on dit ici qu'en fait, écoutez, chers amis, là, la réalité derrière la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'était pour rendre un monde C'était pour éliminer la compétition, rendre ça plus sécuritaire pour instaurer l'hégémonie, un oligopole, pour faire en sorte que ces banquiers privés internationaux puissent rendre la planète entière esclave de leur système basé sur la dette et l'intérêt. D'où l'article du Daily Express, qui est très intéressant à cette lumière-là. La Judée déclare la guerre à l'Allemagne. La Judée, les banquiers internationaux, ont déclaré la guerre à l'Allemagne avant que la guerre se déclare, avant qu'Hitler déclare la guerre. Le miracle économique allemand était dû à cause de cette politique fasciste qui était la lutte contre la finance internationale et le capital de près. Et puis, c'est la raison pour laquelle on est en Libye, chers amis. La raison pour laquelle on est en Libye. C'est ça qui est lié avec le cas de la Libye. Vous savez, ces guerres américaines qui vont être de plus en plus secrètes parce que justement, ça devient inacceptable. Vous avez différentes nouvelles comme ça qui parlent de ça. L'administration Obama qui va répondre par justement qui va répondre à cette pression qui est de plus en plus appliquée contre le gouvernement Obama pour cesser les attaques en Libye, en disant que là, ils vont passer une résolution qui s'appelle The War Powers Resolution, qui va donner plus de pouvoir au président américain et puis faire en sorte qu'ils vont pouvoir mener des guerres sans informer ou sans même demander l'approbation du Congrès. Alors, voilà, on est en train de se préparer à faire des guerres secrètes. L'OTAN qui commence à augmenter ses opérations de bombardement en Libye. Alors, cette semaine, encore là, on a eu plein de bombes qui ont été larguées sur différentes villes, dont Tripoli, dont des bombes qui sont tombées proches des quartiers généraux de Kadhafi. On a bombardé cette semaine, rapporté par Uruknet, là, tout récemment. Je pense que c'est arrivé hier. On a commencé à bombarder ce fameux réseau d'aqueduc. Un réseau d'aqueduc qui apporte de l'eau pour 4,5 millions de Libyens. Une attaque, un crime contre l'humanité, un crime de guerre. Non seulement on a bombardé, l'OTAN a bombardé ces réseaux de distribution d'eau potable, mais on a aussi bombardé une manufacture où on construit ces gros tuyaux pour apporter cette eau. Alors, on a fait en sorte qu'on ne pourra même pas la réparer. Incroyable. Les rebelles, l'Al-Qaïda finalement, des terroristes, des réseaux entretenus par la CIA pendant des décennies en Liban, en Libye, ont été reconnus comme étant maintenant l'instance officielle aux États-Unis. Alors, le Conseil national transitionnel, qui se trouvent être des terroristes de la CIA, ont été reconnus comme étant le gouvernement officiel maintenant de la Libye par les États-Unis. Bravo. Bravo. Comme étant l'autorité légale et légitime du peuple libyen. Ah ben. Je pense pas que les Libyens ont demandé ça. Je pense pas qu'ils reconnaissent non plus ces gens-là comme les représentants, hein, du peuple libyen. Donc, ça va être un dossier à suivre la semaine prochaine. Écoutez, j'aurai pas le temps de tout développer ça, mais vous devez comprendre que j'en avais commencé à en parler d'ailleurs, là, vous vous en doutez, là. Ça n'a rien à voir avec de l'aide humanitaire, ce qui se passe là-bas, là. Quand on commence à tuer des civils innocents avec ces bombardements de l'OTAN, on bombarde les pipelines d'eau et qu'on laisse le pays contaminé à l'uranium appauvri radioactif à une demi-vie de 4,5 milliards d'années, qui va laisser les gens avec des hausses de cancer puis de malformations congénitales. C'est pas pour libérer les gens. C'est pas pour aider les gens. Ces gens-là, le Comité national de transitionnel, ont déjà approuvé et puis créé l'existence d'une banque privée centrale en Libye. Donc là, les banquiers internationaux ont pris contrôle du système de la Libye, système financier, économique. Eux autres qui se dirigeaient en fait vers la création d'une banque centrale africaine sur une monnaie indépendante des systèmes internationaux, de la finance internationale et de son système basé sur la dette et les intérêts, comme que je parlais au début. Alors, si vous voulez, on pourrait dire que Kadhafi et puis le reste de l'Afrique voulaient faire comme les fascistes allemands et italiens, c'est-à-dire le vrai fascisme économique, c'est-à-dire se libérer de la finance internationale des banquiers internationaux. C'est ça, là, si on met les mots là, en place, là. Et puis, ces maîtres du monde, ces banquiers internationaux, sont arrivés avec leurs médias un peu partout. Murdoch, voyez, hein, les attaques en Norvège. On lave la perception des gens, on la manipule, et puis on vous dit que Kadhafi, c'est un malade mental, il tue sa propre population, blablabla, blablabla. La même affaire qu'en Irak. Même affaire partout, même affaire en Afghanistan, même affaire en Iran, même affaire au Pakistan, hein, même affaire en Somalie, au Yémen, ils sont partout, là. Okay? C'est une guerre contre la population mondiale. On est tous des Palestiniens, on est tous des Grecs, on est tous des Islandais, on est tous des Norvégiens, on est tous unis, là, contre la même entité. Et puis là, vous avez cette campagne de propagande pour faire en sorte que les États-Unis reconnaissent les terroristes de la Libye comme étant un gouvernement. Même affaire qu'ils ont faite au Kosovo. Même maudite affaire, là. Les mêmes processus, il n'y a rien de différent. La Russie a refusé de reconnaître ces Libans, d'ailleurs, disons-le, ces rebelles libyens. Et puis d'ailleurs, la Russie a critiqué aussi les États-Unis pour l'avoir fait, pour avoir reconnu ce nouveau gouvernement de rebelles libyens. Donc là, on a un gros problème en Libye, c'est qu'on n'est pas capable de déplacer Kadhafi. Fait que là, on est en train de trouver une solution, de faire en sorte que s'il renonce au pouvoir, il va pouvoir demeurer en Libye. On n'est pas capable parce que, en réalité, là, ce que ça va requérir, c'est qu'on mette des troupes sur le sol libyen si on veut tasser vraiment Kadhafi du pouvoir. Parce que là, vous allez voir aussi plusieurs autres nouvelles dans le cas de la Libye, de manipulation des médias, on vous ment, puis on vous dit que le peuple est contre Kadhafi, puis tout, puis vous avez eu des manifestations monstres de support pour Kadhafi. Et puis, la tactique, évidemment, ne fonctionne pas pour essayer de tourner le peuple contre Kadhafi. Ça, la réalité. Écoutez, là, la Libye est devenue la nouvelle baie des cochons à Cuba. Ils pensaient que c'était pour être une cible facile, en croyant que le peuple de la Libye se soulèverait et puis supporterait une révolution contre Kadhafi. Mais tout comme il est arrivé à Cuba, les gens ont préféré soutenir Castro, ben les Libyens ont préféré soutenir Kadhafi plutôt que n'importe quelle marionnette des États-Unis ou d'Israël. Et puis ce qui est arrivé, c'est que finalement, cette brigade cubaine qui était supportée par les Américains ont été complètement descendues, réduites à néant dans le sable des plages de Cuba. Et puis, il se trouve que la majorité du peuple libyen maintenant se trouve aussi derrière Kadhafi et répondent à l'OTAN que, écoutez, on va se tenir avec Kadhafi. Il se trouve que finalement, les fameux petits rebelles, ils ne sont pas capables de prendre du terrain, puis ils sont de plus en plus confinés. Et là, ça ne va pas très bien pour eux autres, là. Donc là, l'OTAN essaye de trouver une façon de mettre fin à cette histoire-là en Libye parce qu'ils savent très bien que là, on s'en va vers une éternisation des combats, puis on va pas arriver absolument à rien tant qu'on ne mettra pas des troupes de façon massive sur le terrain. Donc là, vous pouvez voir, là, vous allez voir dans les nouvelles que je vais vous laisser cette semaine, qu'on essaie de trouver de toutes sortes de façons pour trouver une fin à ce scénario-là, parce que là, l'OTAN ne peut pas gagner militairement sans envoyer sur le sol un massif nombre de troupes. Ce que l'OTAN ne veut pas faire. Alors, vous avez par contre les États-Unis, vous avez d'autres nations qui, par contre, eux autres se préparent à justement un débarquement sur le sol. Et puis, vous devez comprendre là, qu'on a eu déjà des milliers de sorties, de bombardements de la population. Il y a au moins 1 100 civils qui sont morts jusqu'à date et 4 500 qui ont été blessés. Alors, c'est pas comme ça qu'on va aider le peuple. Libyen, ça c'est certain. Puis vous voyez que ça n'a rien à voir avec une guerre pour protéger les civils innocents. L'armée américaine est en train de considérer d'user plus d'attaques par les drones. Alors, on largue des bombes avec des avions qui sont pilotés à distance. Un peu comme dans des games vidéo, là, des jeux vidéo. Alors, l'Italie, la Norvège s'étaient finalement éloignées de ça, s'étaient retirées de la mission libyenne. On a déclaré Kadhafi, on a essayé d'ouvrir un cas en cour internationale contre Kadhafi, mais l'Union africaine a déclaré qu'elle ne répondrait pas à cette cour criminelle internationale et ne remettra pas Kadhafi entre ses mains. Alors, c'est officiel maintenant, vous avez la cour criminelle internationale qui n'a aucun mandat. Un continent au complet a rejeté les allégations comme quoi qu'il faudrait arrêter Kadhafi pour crime de guerre ou quoi que ce soit, crime contre l'humanité. Rejeté par les 53 membres de l'Union africaine. Pensez à ça. Il n'y a aucune évidence des crimes de Kadhafi en Libye. En fait, ces plans-là existent depuis longtemps, comme révélé par le général Wesley Clark, américain, okay? Révélé les plans pour envahir plus de 7 pays, l'Iran, l'Irak, le Syrie, Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan puis l'Iran, sans oublier l'Afghanistan. Alors, il dit que ça faisait partie d'un plan qui a été révélé 10 jours après le 9-1-1, mais qui en réalité existait même avant les attaques du 9-1-1. Alors ça fait partie des plans géopolitiques pour le Moyen-Orient, puis l'Afrique du Nord et l'Asie centrale. Donc, voilà, écoutez, on va s'arrêter là, c'est déjà en masse, et puis on va se retrouver, nous, la semaine prochaine. J'espère que vous avez saisi un peu plus là, ce qui se passe dans notre monde, puis vous comprenez un peu mieux. Donc, merci d'avoir été patient, puis on se retrouve, nous autres, la semaine prochaine avec plus de détails sur tout ça. On va continuer un peu avec le dossier de la Libye, c'est sûr qu'on va parler d'économie, puis du Japon aussi. Et je devais parler de la torture. On va parler un peu de la torture aussi la semaine prochaine, s'il n'y a pas d'autres événements catastrophiques qui arrivent cette semaine qui prennent toute la place médiatique. Donc, voilà. Hey, c'est tout. Moi, je vous quitte là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour l'Autre Monde. Ciao!